Thank you. Thank you. Ligne de dur. Ouais. Il y a quelqu'un qui commence et ça. Et là, là tu vas pas le faire, il y a personne. Il démarre. Ouais. Alors lui, il attend. C'est ce qu'ils sont en train de faire là. Ouais, il nous attend. Là, il tape, il se chie, il attend que quelqu'un arrive. Il y a une guitariste qui vient de se rejoindre. Bon. Par exemple, quand tu veux jouer, moi, ça, rien que le son de sa guitare, il me plaît pas du tout. Alors, du coup, je quitte la. Tous les machins, ça c'est le premier qu'on a fait dans 6 ans. Tu revois et jusqu'à ce que tu tombes sur un. Voilà, il y a encore ça. Tu vois, quand tu as du bleu, ça veut dire que c'est quelqu'un. Là, il y en a deux. Tiens, il y en a qui arrivent. Et après, comme le groupe que j'avais là, ouais. Eux, on connaît notre chambre, alors elle n'est pas affichée ici. Et on y va direct, on se connecte direct. D'accord. Et moi, je vais à l'oreille avec l'ordinateur, et puis tout ce qui se passe, j'entends dans mon oreille.

Thank you. Thank you.